Unité 2. Leçon 1, page 21. Comment vous est venue l'idée d'étudier à l'étranger? Comment est née cette idée? Ria Steinbeck, Allemagne. Cette idée pour moi est très vieille. Je l'avais depuis l'âge de 20 ans. Je connaissais des gens qui ont fait ça, qui m'ont raconté et j'étais toujours fascinée. J'avais à décider de continuer les études ou de finir. J'ai décidé de continuer et pour ça, il me semblait plus intéressant d'aller à l'étranger. C'était clair qu'avec la bourse Erasmus, il fallait le faire maintenant. C'était ma dernière possibilité. Jan Dieters, Pays-Bas. J'y ai soudain pensé que ça pourrait être bien pour moi d'y aller, parce que je finis mes études l'année prochaine. C'est la dernière année que je veux passer dehors. Qu'est-ce qui a déclenché votre décision de partir? Pascal Delmas, France. Ce qui en fait me motive, c'est que j'ai eu l'occasion de multiplier les contacts avec les étudiants de Leeds qui étaient ici à Bordeaux et qu'ils m'ont rassuré sur les conditions de mon séjour là-bas, sans me donner beaucoup de détails d'ailleurs, en me disant que ça me plairait, que c'est une ville étudiante, animée, qu'il y a des possibilités de faire des stages. Donc je pars avec dans la tête encore ce discours, même si l'organisation matérielle et notre emploi du temps là-bas sont vraiment très imprécis. Carmen Espinoza, Espagne. J'ai demandé la bourse sans être sûre que je la voulais, un peu pour voir si je pouvais l'obtenir. Lorsqu'ils me l'ont donnée, je n'y croyais pas, parce que je n'avais jamais envisagé de venir. J'ai hésité, parce que 1 an, c'est beaucoup. Tu dois quitter tes amis, ta famille, toute ta vie. Je me suis beaucoup demandé si je voulais vraiment partir. La première chose que j'ai faite a été de parler avec mes amis qui étaient allés à Grenoble l'année d'avant. Je suis restée avec elles plusieurs jours et c'est elles qui m'ont expliqué tout de Grenoble. Ce qu'elles pensaient de l'université, des professeurs, de la ville, des gens. C'est très important, avant d'aller dans un pays, de parler avec des personnes qui en viennent, parce que ça peut beaucoup t'aider. Tu sais où aller, elles te donnent même le téléphone de leurs amis. Et c'est très bien d'arriver dans une ville où tu sais déjà un peu comment faire.